Extrait du Voyage en Orient, par Monsieur de la Roire, édition de Bécourt 1836. Chapitre 17. Jérusalem et ses alentours. Le 18, nous partîmes à 5h du matin pour aller voir Jérusalem, dont nous étions éloignés d'une lieue et demie. Le chemin était rude et inégal, les montagnes devenaient de plus en plus désolées. Mais ce qui nous entourait nous touchait peu. Nos yeux à tous se portaient vers l'endroit où devait se trouver la ville sainte. Parvenus au haut d'une montagne après environ 1 heure de marche, nous vîmes la cité de David, et derrière elle le mont des Oliviers. Nous ne distinguâmes que peu de choses, mais cette vue augmentant nos désirs nous accélérâmes nos pas en saluant avec une profonde émotion celle de ville où s'opéra le salut de l'homme, que les nations appellent sainte, qui, après sans catastrophe, sans bouleversement, se trouve toujours debout au milieu de son désert de rochers arides. Arrivé près de la porte de Bethléem, nous nous disposâmes à faire le tour de la ville en dehors des murailles. Ce jour-là ne devait pas être celui de notre entrée. Près de cette porte, sont deux sycomores et un cimetière turc. C'était un vendredi, beaucoup de femmes visitaient ce cimetière, et se groupaient autour des tombeaux comme des statues blanches accroupies. Tantôt elles causaient entre elles, tantôt elles psalmodiaient un chant uniforme. Dans quelques endroits j'en vis une seule détachée des autres, placée à la tête du tombeau, chantant sur un ton triste et mélancolique des strophes adressées aux morts. Chaque strophe finie, elle laissait écouler en silence un temps assez long, pour que le mort pût répondre par une pareille strophe. Probablement l'imagination de la femme qui chante et pleure, remplie avec les paroles qu'elle désire cet intervalle laissé à celui qu'elle aime encore, et cette conversation intime. Cette conversation toute d'illusions et de sentiments, dure souvent très longtemps. Combien l'imagination de cette femme exaltée par la douleur ne doit-elle pas être satisfaite de causer ainsi tête à tête avec un ami qui lui fut cher. De pouvoir donner, par une fiction inspirée par la tendresse, un reste d'existence, à celui qu'elle ne doit plus revoir. Quelles sont touchantes ces visites faites à des tombeaux, où l'on vient voir ses amis perdus, s'entretenir avec eux, y passer son temps. Les quitter avec la promesse d'y revenir encore, c'est presque ne pas s'en séparer. Continuant notre marche, nous laissâmes derrière nous la porte de Damas, une piscine en ruine, et la porte d'Éphraïm, aujourd'hui murée. À quelque distance à gauche est la grotte de Jérémie et le tombeau des rois, vaste cour carrée, taillée dans le roc, où l'on entre par une porte cintrée, à demi bouchée par des débris. Dans un des côtés, sont deux chambres, communiquant entre elles par un trou rond et étroit. Ce grand travail tout entier fait dans le roc ne réveille aucun souvenir, car l'on n'en connaît ni l'auteur, ni la destination. Nous tournâmes ensuite le nord de la ville. Au levant, près de la porte de Marie, j'ai la pierre sur laquelle Saint Létienne a été lapidé. C'est par cette porte que ce premier martyr de la foi sortit pour subir son supplice. Peu loin de là, Saul gardait ses habits et s'associait ainsi au crime de ses bourreaux. Presque immédiatement après cette pierre, nous descendîmes et traversâmes la vallée de Josaphat et le torrent de Cédron. Remontant ensuite sur le mont des Oliviers, nous eûmes à notre gauche l'église grecque, qui renferme le tombeau de Marie et la grotte de l'Agonie. À droite est un reste du jardin de Gethsémani, où sont ces vieux oliviers, témoins muets, mais encore vivants, de cette grande scène de douleur. Là il se fit un moment de silence et de recueillement dans toute la caravane. Chacun pensait en lui-même, C'est cette terre qui a reçu les pleurs mêlées de sang de notre Sauveur. Ici se passa cette agonie amère où la faiblesse humaine, se faisant jour un moment, fit dire au Fils de l'homme, que ce calice, s'il est possible, s'éloigne de moi. Mais reprenant courage, il ajouta, mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. À la vue de ces lieux, à la vue de ces arbres vénérés, qui couvrent de leur vieil ombrage cette terre sacrée, l'âme devient triste. Ici, l'innocent portait l'affliction du coupable, il la portait volontairement et par amour. Du jardin de Gethsémani, nous achevâmes de monter par un sentier roide au sommet du mont des Oliviers, qui est encore le mont des Oliviers après tant de siècles. Ses flancs portent toujours ses arbres, symbole de la paix. À peine arrivés sur son sommet, nous nous retournâmes pour contempler à notre aise Jérusalem, qui se montre lotie entier, placée en amphithéâtre, au-delà de la vallée de Josaphat, ayant Sion à sa droite. La vallée de Josaphat, située au levant de la ville, s'étend du nord au midi. On la voit tantôt plus large, tantôt plus rétrécie, ici escarpée, là offrant une pente plus douce, étranglée dans différents endroits. Parcourue dans son milieu par le torrent de Cédron, qui, par moments, passe avec tumulte et fracas, et ne laisse après lui qu'un lit pierreux et desséché. Nulle verdure dans cette vallée, tout est stérile, tout serait solitaire, si les morts ne l'habitaient. Mais elle est couverte de tombeaux. Chaque siècle, chaque âge lui en ont fourni. Toutes les croyances y ont cherché un dernier asile. Les Turcs et les Juifs continuent à la peupler encore, et d'ici jusqu'au dernier jour les hommes voudront s'y reposer. C'est là, d'après la tradition juive et mahométane, que le jugement dernier doit avoir lieu. C'est dans cette vallée que Dieu, après avoir fait sonner de la trompette aux quatre coins du monde, réunira le genre humain, et viendra révéler à tous son immense justice, en donnant à chacun selon ses œuvres. Jérusalem semble contempler avec effroi cette vallée terrible et trembler d'avance à l'approche d'un tel jour. Cette ville de pierre blanche, éclairée par un soleil ardent, me semblait morte. Rien n'y remuait, rien n'y résonnait, ni pas d'homme, ni vol d'oiseau. Seulement, après quelques heures de ce silence, nous vîmes sortir lentement sous la porte de Marie, deux cercueils, quatre hommes les portaient. Ils étaient suivis de quelques amis et d'un grand nombre de femmes. Un chant plaintif venait frapper nos oreilles. C'est la seule vie que nous aperçûmes dans Jérusalem. Devant nous était la porte d'or, la plus belle des portes de la ville. C'est par ici que Jésus-Christ passa le jour des rameaux, accompagné par les acclamations et la faveur du peuple. Quelques jours après, ce même peuple le maudissait et l'accablait d'injures, quand par une porte opposée il marchait à son supplice. Les Turcs l'ont fait murer. Une de leurs prophéties annonce que c'est par cette porte que les chrétiens doivent entrer, quand ils reprendront Jérusalem. Derrière elle est l'emplacement du temple bâti par Salomon, de ce temple qui contenait l'arche de la vieille alliance. Sur cette grande place carrée est la mosquée d'Omar, une des quatre mosquées sacrées des Turcs. Un dôme élégant, élevé sur un bâtiment octogone dont chaque côté offre sept arcades en ogive, d'une architecture gracieuse et légère, forme un édifice remarquable, qui fait plaisir à l'œil. Plus à gauche et atteignant les murs de la ville, est une mosquée sur l'emplacement de l'église de la Présentation. Au nord du temple, est la ville des Maccabées, habitée par des Turcs. Là était le palais d'Hérode. sur un second plan plus élevé derrière le temple, et regardant un peu à gauche, on voit un grand dôme sombre et massif. C'est le dôme du Saint-Sépulcre, en partie masqué par un dôme en pierre blanche d'une église qui appartient aux Grecs, et qui lie d'un côté au Saint-Sépulcre et de l'autre à leur grand couvent, qu'on aperçoit à gauche de cette église. Plus haut, mais plus à droite, près de la porte de Bethléem est le couvent latin. À la même hauteur, plus au midi, un long mur indique le couvent arménien. Près de la porte de Sion, est la maison d'Anne. Au-delà de cette porte, au midi de la ville est Sion, cette montagne tant aimée est enchantée par David, qui y établit sa demeure et voulut y avoir son tombeau. Cette montagne où Jésus-Christ fit la dernière scène et donna à l'homme la plus grande marque d'amour possible, en lui faisant manger sa chair et boire son sang, et voulant, par un miracle perpétuel, faire pour tout ce qu'il fit pour ses apôtres. Une grande mosquée occupe l'emplacement du tombeau de David, et près des murailles de la ville est la maison de Caïphe. Nous mîmes 4 heures à contempler ainsi Jérusalem. Jetant enfin les yeux autour de nous, nous vîmes à l'est une mosquée bâtie sur l'endroit où Jésus-Christ disparut du milieu de ses disciples pour monter vers son Père et s'asseoir à sa droite. Plus loin, la vue s'étend sur une suite de montagnes stériles, terminées par celles d'Arabie, qui sont au-delà de la mer morte. Près de nous, au midi, était un souterrain, jadis destiné à servir de tombeau, dans lequel Jésus se retira pour pleurer sur Jérusalem. Plus loin, le mont de l'offense, ainsi nommé parce que Salomon y avait bâti des autels aux faux dieux. Cette montagne n'est séparée de celle des Oliviers que par un vallon étroit et peu profond, dans lequel se trouve le chemin de Béthanie. On nous montra aussi le champ du sang, cette terre du potier qui avait été achetée avec le prix de la trahison. Pendant cette longue contemplation de Jérusalem, aucun de nous ne s'était empressé de communiquer aux autres ce qu'il éprouvait. Nous étions tous trop occupés à sentir, pour avoir le besoin de l'exprimer. Successivement tous les souvenirs de David, de Salomon et des prophètes s'offrirent à notre imagination. L'histoire des nombreuses vicissitudes du peuple juif, de ce peuple prédestiné, dominé par ces grandes figures, qui, comme une source non interrompue, s'y succèdent jusqu'à l'arrivée du Christ, frappait nos esprits. Cette histoire, où depuis le commencement jusqu'à la fin, on ne voit qu'un seul résultat à obtenir, un seul but à atteindre, celui de la délivrance de l'homme, où les calamités et les malheurs sont des punitions, la paix et le bonheur des récompenses, où à chaque pas on aperçoit une force supérieure et providentielle maintenir ce peuple uni et le conserver dans l'héritage promis à ses pères, afin que celui qui doit naître pour le salut des hommes puisse avoir une nation qui rend témoignage de lui, cette histoire était parlante devant nous. Pour l'homme à qui le peuple juif apparaît avec cette imposante unité et cette haute mission, placé, ainsi que nous, en regard de Jérusalem, le verset d'un psaume, où l'exclamation d'un prophète sera toujours une cause abondante d'émotion. Les pierres de ces montagnes paraissent tressaillir encore au son des paroles sublimes dont elles ont été les échos. Nul autre part des sons pareils n'ont résonné. Nul autre part non plus d'aussi magnifiques promesses n'ont été accomplies. Après l'effort de cet immense enfantement, après la venue de l'élu des nations, toute énergie et toute force abandonnent ce même peuple. Il n'est plus agent actif dans les destinées de ce monde. Il n'est plus là que comme un témoin permanent pour déposer en faveur de celui qu'il a méconnu, et marcher ainsi à une fin prédite depuis son origine. Nous quittâmes ces lieux, Le cœur rempli d'images sombres et grandes comme seraient celles que les poètes prêteraient à l'homme qui évoque le destin, nous portâmes nos pas vers la porte de Bethléem, en passant au-dessus du mont Sion. Nous descendîmes de celle montagne des Oliviers où nous nous étions assis pour la première fois, nous traversâmes de nouveau le torrent de Cédron, et continuant d'avoir la ville à droite et la vallée de Joseph à gauche, nous poursuivîmes notre chemin profondément pénétrés de tout ce qui frappait sans cesse nos yeux. À mesure que nous montions, le sentier devenait plus étroit, le précipice à notre gauche plus profond. Laissant derrière nous la porte Sterkiline, et passant au midi de la ville, nous nous trouvâmes sur la montagne de Sion, près de la porte du même nom. Que cette montagne a dû être différente de ce qu'elle est aujourd'hui, quand tous ces réservoirs qui l'entourent étaient entretenus et pleins d'eau, et que la végétation que l'eau apporte partout avec elle y était dans sa beauté. Le contraste de sa nudité et de sa sécheresse actuelle est une chose triste comme tout ce qu'on voit à Jérusalem. De l'autre côté de Sion, nous vîmes un nouveau champ de mort, c'était celui des chrétiens. Dans ce cimetière désert, quatre hommes étaient occupés en silence à creuser une fosse. Près d'eux était un mort étendu sur une civière. Sa figure nue portait encore les traces de l'agonie. Il était sans linceul, sans cercueil, couvert seulement de ses mauvais vêtements. Il n'y avait ni ami pour le suivre, femme pour le pleurer, personne pour lui témoigner le moindre intérêt. Ce mort était un pauvre chrétien, que la peste venait de moissonner. Au bas de ce cimetière un peu plus loin que le cadavre, était la piscine où Bethsabée se baignait, quand elle causa la chute de David. Descendant, nous retrouvâmes la porte de Bethléem aussi appelée de Jaffa. Nous reprîmes le chemin de Saint-Jean-Baptiste, où nous arrivâmes vers le soir, le cœur plein des émotions de la journée. Mark M. Dan, archive.org, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.